Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. La vie a le tas sans maladie dans la crasse. Moi je joue en crosse. Hey. Tu sais, dans la vie faut mieux se marrer que pleurer. Et tu le sais, tu peux le regretter. Tous payent, on prendra la monnaie. Je rêve de finir mes jours sur la plage avec un paysage ensoleillé. Parce que les jaloux sont trop pressés. C'est que le début, c'est que le bout de ma queue. Et ouais, vieux, alors faut être fort. Manger les pois, faut reconnaître ses erreurs. Quand on a tort, mon vieux. Quand je te fais manger la poussière crasseux. Tu taffes avec les baveux. Tous payent bouilleux. Je reconnais, tu t'es fait casser le zèle. Ouais. Toujours la même dégaine, tu ne changeras pas à l'ancienne. L'ancienne, non, trop de peine, ne aucune pour enculer ce fils de pute de système. Moi c'est trêve. Si j'avais su que la vie avait le tas, t'inquiète, je l'aurais pas Ken, frère. Si j'avais su que t'étais une Barbie, t'inquiète, j'aurais pas été Ken, frère. Si j'avais su que t'étais un traître, t'inquiète, je t'aurais pas connu, frère. Si j'avais su que t'étais un cave, putain, faudrait que tu comprennes que la rue va te la mettre tôt ou tard. Et si c'est pas la mort, c'est le placard. Tu dois te demander pourquoi on raconte toujours les mêmes histoires. Tout simplement parce que nos vies ressemblent à celles des cafards. Alors n'oublie jamais que la famille c'est précieux. T'auras toujours besoin d'eux. Chez nous c'est pas aller les bleus, mais nique les bleus. On m'a toujours appris de ne pas donner sa langue au chat. Plus tard tu comprendras pourquoi les caillards ferment en bouche dans les commissariats. Bra bra, c'est pour bra bra. J'ai le toucher pas de caca. La vie est dure, faut serrer les coudes ainsi que les bras. Casse les couilles au condé. Alors paix à tous mes frères incarcérés, décédés, pas la vraie. Allez tous vous faire niquer. Si j'avais su que la vie avait le tas, t'inquiète, je l'aurais pas Ken, frère. Si j'avais su que t'étais une Barbie, t'inquiète, j'aurais pas été Ken, frère. Si j'avais su que t'étais un traître, t'inquiète, je t'aurais pas connu, frère. Si j'avais su que t'étais un cave, putain, faudrait que tu comprennes que ici la rue t'attire, cette pute a trop de charme. Le premier des galériens devient le premier des clochards. Vas-y, ouais, t'es pas trop vard. On vit avec les cafards que je compare avec les stars. Nique les stars, je rêve de caviar. J'ai le cafard, j'ai mal au cœur. Trop d'MC ont mal au cul pour du genre. Ils sont bêtés, le trou de balle. J'ai la dalle, vas-y, mec, va chercher la maille. Ce morceau, c'est pour mes cailles. Dans la vie, je vois que la canise, y a trop de perdants. En mode indépendant, vas-y, viens, viens me sucer le clan. Trop de mes proches m'ont zappé. Aujourd'hui je suis pas bien, c'est à force de zigzaguer. Si t'es un sale gay, va te faire piller. Tu connais le délire, c'est nique les condés. Nique les condés, nique les condés. Si j'avais su que la vie avait le tas, t'inquiète, je l'aurais pas Ken, frère. Si j'avais su que t'étais une Barbie, t'inquiète, j'aurais pas été Ken, frère. Si j'avais su que t'étais un traître, t'inquiète, je t'aurais pas connu, frère. Si j'avais su que t'étais un cave, putain, faudrait que tu comprennes que on est là pour tout niquer. Ouais. On est là pour tout baiser.